inajoutable sorti dans tête moi facilement. Pap j'en me dis où t'es méchant. Et où fait me dire en pile temps. Depuis l'aime pas parler ou chita n'a pas c'est toujours être mais ou à distance. Tout bagay pas obligé faire sens. Ma mère même pas blé avec mon corps. Et pour n'y aime comprendre ou pas qu'à conduire l'amour. Toxique.